Et voilà, on va parler de Pascal Marzon, sa musique et les activités, les festivals et tout ce qu'il organise. Il fait plein de choses. Pascal. Oui, très bien. Alors, moi, j'étais surpris et de savoir que, quand tu m'as appelé l'autre jour, de savoir que Angers était ton. Que tu as grandi sur Angers, c'est ça que tu m'avais dit? Oui, je suis arrivé vers l'âge de 5 ans à Angers et j'y suis resté une vingtaine d'années. Voilà. 20 années, après tu es parti sur Paris parce que la vie ici ça t'ennuyait un peu. Oh oui, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, puis je suis parti pour faire des études de musique à l'École normale de musique à Paris, D'accord. en guitare classique. Oui. Et puis après, j'ai vécu à Budapest. Voilà. D'accord. Ce qu'on fait, on écoute un peu. Non, non, Oui. non, d'abord, tu nous dis ce que tu joues et ce qui est ta musique, d'accord? Juste un peu, et après, on va mettre un morceau à écouter, et puis on va parler de d'autres choses. D'accord? Ah. Alors, Pascal Marzon, il faut d'abord faire la différence entre Spanish guitar et ce que tu fais. Oui, alors en fait ça s'appelle Spanish guitar pour les. Est-ce que c'est une guitare de lutherie espagnole, de Torres, qui a été inventée au 19e siècle? C'est tout simplement les guitares cordes nylon qu'on utilise maintenant, qu'on utilise beaucoup pour donc le concert classique. Voilà. D'accord. Mais pourquoi quand j'ai dit Spanish guitar que tu joues de Spanish guitar, il faut pas dire ça? Non, parce que je ne suis pas un Spanish guitar player. D'accord. Je ne sais pas. Si on dit Un espagnol, voilà. Je suis français. Ah, d'accord, c'est ça que tu voulais dire. Ah, c'est là maintenant, à ce moment que je comprends ce que tu voulais dire Voilà, vraiment. et ça ne D'accord. renseigne pas non plus sur le style, ce Ouais. n'est pas du flamenco, D'accord, ouais. même si j'utilise pas mal de techniques de flamenco, notamment les rasgados, les golpes. Ouais. D'accord. Ok. C'est très intéressant parce que ça permet d'avoir des sons continus, en fait. Parce que D'accord. la guitare, c'est un instrument dont les notes s'étouffent très rapidement. Donc, essayer d'avoir une espèce d'archet rempli de doigts, quoi, en fait, qui court. D'accord. Et là, on va écouter quelque chose un peu de pour comment on dit, to sample your music. Et c'est quoi ce qu'on va écouter maintenant? Bah, ce ne sont que des choses inédites, hein, Ouais. donc ça sera un peu une première pour une radio. Donc, premièrement, il y a un quartet qui a été formé par Philip Waxman, qui est un violoniste anglais, et qui nous a réunis avec le contrebassiste finlandais Teppo Rautaho, qui a été le contrebassiste de Cecil Taylor, de Mal Waldron, qui a joué avec Marin Crispell, etc., Evan Parker. Et qui est aussi le contrebassiste de l'orchestre de l'Opéra de Helsinki et l'orchestre symphonique de Helsinki. C'est aussi un compositeur très très connu. On joue ses œuvres dans le monde entier. Il y a aussi le percussionniste batteur Roger Turner, D'accord. très connu. Voilà. Et moi, la guitare. Donc le quartet s'appelle TPRP, qui sont les initiales de nos prénoms, donc Teppo, Pascal, Roger et Philippe. Voilà, donc là c'est une longue pièce qu'on n'écoutera pas jusqu'au bout, c'est une pièce de 25 minutes. Donc pour donner un peu une impression de ce qui s'est passé, c'était dans le studio de Philippe Waxman, et c'était quelques minutes avant de manger. On nous a dit le dernier morceau avant de manger, donc on a fait une très longue pièce. D'accord. Thank you. Ok, that was. On peut rappeler les musiciens, Pascal? Oui, donc c'est dans l'ordre TPRP, donc Teppo Hautala à la contrebasse, Pascal Marzon à la guitare, Roger Turner à la batterie et Phil Waxman au violon. D'accord, c'était enregistré quand ce morceau? Ah, je suis très mauvais dans le temps. Je pense que c'était enregistré il y a 2 ans, c'était au mois de mai, il faisait beau. D'accord. Dans le jardin du studio de Philippe Waxman dans la campagne londonienne. D'accord, et tu penses qu'il y aura un disque qui va sortir oui. Bientôt? Bientôt, je ne sais pas, mais d'accord. C'est quelque chose qui est pensé depuis le départ. Voilà. D'accord. Ok, Pascal, ça serait bien si tu nous donnais un peu de, comment dire, insight dans ta musique. Quelle est ta musique? Tu ne joues pas du free jazz? Non, j'ai pas du tout je connais rien en jazz, à vrai dire. J'aime beaucoup, j'ai écouté beaucoup de free jazz. Notamment, je te disais il y a quelques jours, avoir vu l'ensemble Art Ensemble of Chicago à Angers. Il se passait beaucoup de choses à l'époque, dans les années 80. Ah oui. Je suis né un peu tard et je suis venu à Angers un peu tard. Hein. Et Lester Bowie est venu 2 fois, il y a Jacques Dejonnette. John Abercrombie. D'accord. Alors Dave Holland à Saumur. Il y a eu vraiment des grands noms qui sont venus. D'accord. Et ta musique, alors, c'est quoi? Ma formation, c'est musicien classique et plutôt musique contemporaine du XXe siècle. Voilà. Musique contemporaine du XXe siècle. Alors, ce que vous jouiez, là, tout à l'heure, ce qu'on a entendu, c'était quoi? Bon, c'est l'improvisation totale, hein. C'était, mais c'est vrai que par la présence de Philippe Waxman, qui est un compositeur, donc qui avait étudié avec Nadia Boulanger à Paris, et Phil Wax, et puis Teppo Hautaho, qui est un compositeur très reconnu et très prolixe en Finlande, ça donnait un peu une ambiance déjà d'idée de composition, en fait, de composition spontanée. C'est un peu l'idéal qu'on recherche quand même en improvisation, c'est d'arriver à quelque chose qui se passe d'une manière évidente, comme si ça avait été écrite, mais encore avec beaucoup plus de liberté et d'émotion. D'accord. Et toi, tu es connu dans le milieu, après ce que j'ai lu, ce que je connais, tu es connu dans le milieu de European Free Improvisation. Plutôt pas European Free Improvisation français, mais plutôt anglais et autre que français. Oui, tout alors, à fait. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut me reprocher d'être un peu anglais, c'est-à-dire que c'est une grande liberté de jouer avant tout, et pas de volonté de contrainte dans le jeu, c'est-à-dire pas. On peut aborder des plages minimalistes, réductionnistes, mais on va jamais se résoudre à un style particulier. Donc on peut reprocher le coq à l'âne parfois, mais je pense que quand il y a des choses intéressantes qui viennent, alors ça c'est l'esthétique, si je comprends bien, ça c'est l'esthétique de l'improvisation libre à l'anglaise. À l'anglaise, qui est très très libre en fait, hein. C'est, enfin je veux dire, c'est ça serait que... Non, je ne veux pas dire de bêtises. Vas-y, vas-y, lâche-toi, personne ne nous écoute, hein. Il est tard là maintenant. <Bien, c'est... rire> Non, c'est des musiciens qui ont joué dans tous les styles, et beaucoup dans le jazz, et puis en plus qui ont une grande pratique de l'improvisation, et donc qui ont acquis une grande liberté, une grande maîtrise dans le jeu, voilà. D'accord. Et qui peuvent se lâcher beaucoup plus facilement en gardant des idées de structure. Alors, juste pour faire un point sur l'improvisation libre à la française, quelles sont les caractéristiques de l'improvisation libre française? Je pense pas vraiment qu'il y ait qu'on puisse dire vraiment qu'il y a une esthétique à la française. Déjà, je pense que ça dépend beaucoup des régions. Par exemple, la musique improvisée qui se joue sur Paris est différente de celle qui peut se jouer à Nantes, à Bordeaux, à Lille, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une volonté à Paris d'avancer vers le minimalisme réductionniste, quand même. Voilà. D'accord, tu veux dire, il se met des. Les musiciens à Paris, ils se mettent des contraintes, c'est ça? Oui, oui, oui, tout à fait. D'accord. Mais... C'est une esthétique qui réussisse très bien, mais c'est vrai que c'est. Que, voilà, c'est ça la différence en fait. Moi, je c'est voulais ce qui m'a comprendre semblé, la différence. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié en fait, j'avais une question. Tu voulais dire quelque chose, Noël? Non, mais on connaît quand même des musiciens anglais comme musiciens minimalistes plus que des français, non? Tout à fait, le New Silence avec Wastel, Marc Wastel, le violoncelliste, Audrey Davis, Radu Malfatti, exactement, voilà. Mais c'est vrai qu'ils se sont un peu coupés de la scène anglaise. À un moment, il y a eu un grand schisme. Enfin, il y a eu plusieurs histoires, des querelles entre Evan Parker et Derek Bailey. Et ensuite, il y a toute cette arrivée du nouveau silence qui s'est plus ou moins arrêté maintenant. Ah, je connaissais pas ce terme nouveau silence. C'est un joli terme. Hein. C'est, oui, très joli. C'est notre esthétique d'improvisation. Très réductionniste, oui. C'est. Ouais, c'est pas mon truc en fait. Ouais. Si on a mal digéré, ça peut être difficile. Tout le monde entend nos gargouillis. Ouais, c'est ça. Mais c'est, ça fait de la très belle musique quand les musiciens sont très inspirés et très tendus. On sent qu'il y a vraiment une tension entre les silences et les sons qui affleurent. Ça peut être très réussi. D'accord, d'accord. Voilà, là, on écoute un autre morceau et on va continuer de parler après. Alors, oui, alors là, je propose le morceau de la plage 3. C'est avec... le duo qu'on a commencé suite à ce quartet, donc TPRP, avec Tepo Aotearo. Donc ça a été enregistré à Paris l'année dernière, dans le club Air de Choc que j'organise deux fois par mois à Paris. D'accord. Voilà, c'était le duo de Pascal Marzan et Teppo Hauta Aho. Voilà, Teppo Hauta Aho, comme ça, contrebassiste finlandais. Voilà. Contrebassiste finlandais, il a quel âge maintenant? Ah, 65 ans, quelque chose d'accord, comme ça. D'accord. Il est jeune retraité de l'opéra de Helsinki. Wow. Voilà. D'accord. Et tu as parlé de ton festival Art de Choc que tu organises. Dis-nous plus, dis-nous en plus. Voilà, alors cette année, le 4 et 5 juillet 2008, ça va être la deuxième édition d'un festival que j'ai mis en place. Et donc, ce premier jeudi et vendredi du mois de juillet, on accueillera des musiciens anglais, finlandais, japonais, français, anglais. Et c'est aussi pour marquer notre association avec le Mopomozo, qui est le club formé par et tenu par John Russell et Chris Byrne. Donc le programme, il n'est pas vraiment défini en fait, puisqu'on décide à la dernière minute comment on va s'organiser. Donc le 4 juillet, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura le quartet TPRP, là, qu'on a écouté tout à l'heure, avec Phil Waxman, Teppo, Roger Turner et puis moi. Il y aura aussi comme musicien le contrebassiste Simon Fell, qui joue très rarement en France. Là aussi, c'est vraiment dommage, parce que c'est un très grand bassiste. En saxophoniste, il y aura Michel Deneda et Bertrand Goguet, et peut-être Ursline Gruber, donc j'attends sa réponse définitive. En batteur, donc, il y aura aussi Didier Lasserre, avec Roger Turner. Donc. Il y aura en guitare John Russell et puis moi. En pianiste, il y aura Steve Beresford, qui jouera aussi des électroniques, et une pianiste japonaise qui s'appelle Yoko Miura. Et le chanteur belge, Jean-Michel Van Skoberg. Skoberg, oui. Je ne sais pas s'il est en train d'écouter, nous écouter. Jean-Michel, si tu nous écoutes, merci. Merci pour être là et merci pour le disque avec John Russell que j'ai reçu. Je n'ai pas encore écouté, mais ça a l'air pas mal. J'aime bien l'affiche et la pochette. D'accord. Alors là, Air de Choc, mais il y a autre chose aussi, Pascal. C'est pas tu organises Air de Choc. Après, il y a d'autres choses aussi. J'ai vu, il y a plusieurs choses que tu fais, non? Donc il y a le festival qui est la première semaine de juillet. Chaque premier jeudi et vendredi du mois de juillet. Donc ça se passe où ça? Ça se passe à l'espace GEMAP. C'est dans le 10e arrondissement, sur le canal Saint-Martin, sur le quai de GEMAP. C'est au 116 quai de GEMAP. C'est quoi? C'est un centre de loisirs? Exactement, du 10e arrondissement. Il y a une salle qui est tout à fait agréable pour accueillir des événements de ce genre. Donc, il y a 150 places. Donc, ce qui est... tout à fait raisonnable. Voilà, et qui permet une grande intimité entre le public et le 150 et les musiciens. Voilà. D'accord, ça va. D'accord. Et sinon, j'organise les Airs de Choc, qui sont chaque premier et troisième vendredi du mois. Ah, d'accord. Pour ne pas oublier, c'est plus simple à mémoriser. Et donc là, il y a beaucoup de musiciens qui passent la scène d'improvisation. C'est oui? Quand j'ai pas saisi. C'est chaque semaine? Non. Premier et troisième vendredi du mois. Premier et troisième vendredi. À l'espace GEMAP, voilà. D'accord. Ok, pas mal, à Paris. Au même endroit. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant? On pourrait écouter la plage numéro 4. Donc c'est un duo avec John Russell qu'on mène depuis 3 ans. Donc à chaque fois que je retourne à Londres, donc on enregistre toujours plus loin. Et donc on a des kilomètres de bande. Et là, bon, aujourd'hui, j'avais pas grand-chose à... Ah, comme musique, oui. Parce que tout est à Paris. Et donc voilà, le premier morceau, c'est un duo avec John Russell. D'accord, c'est un morceau très court, c'est ça? Ah oui, 3 minutes, j'ai pris que des choses très courtes, et 1 minute 30. D'accord. C'est parti. Oui, c'était quoi ça? C'était un téléphone portable, c'était très intéressant. Ah, d'accord. Regardez, voilà. Waouh! Alors, c'était le duo avec John Russell, donc, guitariste anglais. D'accord. Un petit trio avec la sonnerie de téléphone? Voilà, exactement. Ouais. D'accord. Alors, Pascal, dis-nous, tu as vécu longtemps sur Angers? Oui. Et après, t'es parti, tu t'es ennuyé sur Angers parce qu'il y avait passé. C'était plutôt l'ennui musical, au niveau musical, ou c'était autre chose? C'était beaucoup de l'ennui musical, oui, effectivement. D'accord. Puis surtout le fait de vouloir faire des études de musique. Oui, mais comment t'es venu à la musique? T'as fait le conservatoire à Angers ou? Non, pas du tout. Non, parce que c'était l'époque, il n'y avait pas de guitare à Angers. Au conservatoire, voilà. Oui. Voilà, tout d'accord. À fait. Ok, alors tu es parti à Paris pour faire des études? Voilà. D'accord. Conservatoire de Paris? Non, l'École normale de musique. D'accord. Parce que j'ai quand même une formation avant tout d'autodidacte. J'avais pris quelques cours particuliers sur Angers. Et puis j'ai suivi mon chemin et à un moment j'ai eu besoin d'aller plus loin dans la guitare. Voilà. Et dans la guitare, c'était quoi la musique à cette époque? C'était la musique classique que tu voulais faire ou... Non, c'était plutôt la musique contemporaine. D'accord. Alors, et après Paris, tu as vécu longtemps à Budapest. Comment ça s'est fait? J'ai vécu 3 ans à Budapest. Ouais. D'accord, 3 ans, d'accord. Alors, dis-nous un peu plus sur ta vie à Budapest. C'était la période quand tu as C'était beaucoup la, chanté. c'était, ça suivait de peu la chute du mur de Berlin. Ouais. À cette époque, j'étais pas, je n'improvisais plus parce que le conservatoire m'avait un peu rogné les ailes dans la mesure où quand on travaille avec des perspectives précises, de techniques, d'exigences, eh bien le projet d'improvisation disparaît petit à petit. Il est revenu ensuite par la suite. Mais voilà, donc je suis arrivé à Budapest et j'ai enseigné dans les écoles de musique de Budapest, conservatoire. D'accord. Tout simplement, et là j'écoutais beaucoup de jazz à cette époque. De D'accord. jazz hongrois notamment. Avec, Jazz hongrois. oui. D'accord. Le Gado Gabor Quartet et Trio, donc ils étaient différents que de ceux qu'on connaît maintenant. Et il y avait aussi le Dresch Mihai Quartet, très intéressant parce qu'il mêlait la musique traditionnelle hongroise avec le jazz. C'était très D'accord. fort comme musique. Et là, moi, je suis vraiment intéressé à savoir que, d'accord, tu étais à Paris, après tu étais à Budapest, et après, comment tu as développé tout ce réseau avec dans l'improvisation, European Improvisation à l'anglaise, comment tu as développé ton profil anglais là? C'est ça qui m'intéresse à savoir, que comment ça s'est fait, tout ça? J'ai pas réussi à m'intégrer aux musiciens parisiens et ils ne m'ont pas intégré non plus. Alors pourquoi? je sais pas. Et tu Et ça? donc j'en ai eu marre, je me suis dit tout le monde joue, je ne joue jamais, donc je repars à Budapest D'accord. et là je décide de vivre entre Budapest, Londres et Paris. Et c'était quand tu as décidé de repartir? En 2005. 2005, d'accord. Et après Ou tu... 2004, je sais plus. Je suis D'accord. pas très bon dans le temps. D'accord. Et c'est comme ça que tu as développé ton. Maintenant, tu joues moins en France et plutôt ailleurs. Voilà, En exactement. Angleterre et en Hongrie aussi. Oui, j'ai fait quelques concerts, mais la musique improvisée en Hongrie, ça met du temps à se développer. D'accord. Il écoute quoi en Hongrie? Plutôt du jazz ou Du jazz folk? mainstream, D'accord. jazz folk. Ils sont en train de développer leur propre genre de jazz, je pense, avec le label BMC. Il y a plein de choses que j'ai écoutées. C'est Tout à fait. la musique folk et jazz, et la musique hongroise et jazz mélangée. Oui. Ouais. D'accord. Et Noël, tu veux pas poser une question? Je vous écoute, vous êtes passionnant. D'accord. Et qu'est-ce qu'on écoute maintenant, Pascal? Peut-être, je sais pas si tu veux pas nous faire écouter ton nouveau disque. Oui, tout Et à aussi, ça fait. serait bien, Pascal, si tu nous donnais un peu une idée de ta discographie, les disques sur tel label, avec tel musicien. Parce que moi, j'ai peu de connaissances, hein, j'avoue, que sur J'ai très ta peu musique. enregistré parce que jusque-là, ça ne me paraissait pas nécessaire. J'avais besoin que les choses ne soient pas fixées. D'accord. Et puis c'est surtout avec les. J'ai fait premièrement un DVD qui mélange images de synthèse et. D'accord, là Pascal est en train essayer d'ouvrir son nouveau disque sur Paru chez M&M Eminem avec Roger Smith. qu'on a pu déjà écouter dans l'émission. Voilà, c'est vous écoutez le papier, c'est Noël. Oh. Voilà qui fait une improvisation tout à Avec fait. le papier. D'accord. Oui. Sur ce disque, tu peux nous éclairer un peu ce que c'est? C'est un disque qui s'est fait en fait suite à la rencontre avec Roger Smith, qui était quand même un musicien qui vit un peu beaucoup chez lui. C'est-à-dire qu'il a des rythmes de veille et de sommeil très particuliers, c'est-à-dire qu'il se couche vers 5-6 heures de l'après-midi pour se réveiller à minuit, 2 heures du matin, et il passe la nuit en fait à jouer du piano et de la guitare. Et donc les enregistrements se sont faits les premiers à 7h du matin, parce que c'est l'heure à laquelle il est encore très frais. Parce que il a une journée bien commencée, et donc c'était enregistré au petit matin. D'accord, il est anglais, Roger Smith. Voilà. Et joue du Spanish guitar comme toi. Voilà, et ce qui caractérise, c'est pratiquement tous ses disques sont faits dans sa cuisine. Wow, d'accord. Voilà, et ce disque a été aussi enregistré dans sa cuisine. Mis à part de disques qui ont été enregistrés avec le batteur Luis Moholo Moholo pour le Freedom of the City, qui est un festival de musique improvisée qui se passe en mai en Angleterre, à Londres. Eh bien, il reste chez lui, c'est les musiciens qui viennent à lui qui enregistrent dans sa cuisine. Voilà. Ah, d'accord, la cuisine, ça me rappelle Jack Wright, Noël. Hein? Tu connais Jack Wright? Oui. Ouais, d'accord. Ok, alors le disque, on écoute un extrait de l'album qui s'appelle Two Spanish Guitars avec Pascal Marsan et Roger Smith qui jouent tous les deux Spanish Guitar ensemble dans la cuisine de. Roger okay. Smith à 7h du matin. On écoute quoi, Pascal? Qu'est-ce que tu veux que je fasse écouter? Je sais pas trop. Tiens, peut-être pour changer avec le caractère très ouais, un peu méditatif de ce soir, peut-être qu'on peut mettre Boiling Water. C'est là, c'est le deuxième. Boiling Water. Et c'est plutôt des bruits. Voilà. D'accord, voilà. Alors, ça va nous réveiller un peu, j'espère. D'accord, Boiling Water avec Pascal Marsan et Roger Smith sur M&M Records. Long live Martin Davidson. Thank you. C'était un extrait de l'album Two Spanish Guitars avec Roger Smith et Pascal Marzon, enregistré dans la cuisine de Roger Smith en Angleterre, publié par Eminem Records, de Martin Davidson. Voilà, Pascal, on est de retour en air. On parlait de quoi, de ta discographie avant. Tu disais que tu n'as pas beaucoup enregistré. T'as d'autres disques sur Eminem Records? Non, c'est le seul. C'est le seul, d'accord. On a beaucoup enregistré avec John Russell. Je sais qu'on on aimerait faire éditer ce qu'on a. Ah, vous avez beaucoup de matériel enregistré déjà. Oui. D'accord. Et puis le quartet avec TPRP. D'accord. Et maintenant. Je prépare un solo, voilà. Tu prépares un solo, d'accord. Pour enregistrer? Ou tu l'as déjà enregistré? J'ai déjà commencé à enregistrer, mais c'est vrai que j'aime la musique live. Donc il faut quand même que je sorte mon matériel. Il faut que je me concentre pour faire ça. En fait, je pense que pour la musique improvisée, le plus simple, c'est de jouer en concert. Voilà. D'accord. D'accord, très bien. Et je crois que bientôt, on va terminer l'émission. Et est-ce qu'il y a, il y a des choses que tu veux dire, Pascal, qu'on n'a pas touché, quelque chose, c'est pas que tu veux dire aux auditeurs, c'est pas une obligation, mais c'est juste. Non, je rappellerai juste, pour ne pas insister, qu'il y a un festival le 4 et 5 ouais. juillet à Paris avec des musiciens plutôt rares pour certains. Voilà. Oui, c'est vrai. Qui sont des grands musiciens. Oui. On n'a pas beaucoup d'occasion de voir ces musiciens que tu as nommés là, tout à comme l'heure. Simon Fell, qui comme est en Simon France depuis Fell. 5 ans. Et... Il habite en France. Il habite en France. Ah, ouais. Je ne savais pas, j'ai pensé qu'il habitait en Angleterre. Non, il, non. Il habite où? La Creuse, quelque chose comme ça. D'accord, c'est loin d'ici? Oui, c'est en pleine campagne. En plus, il habite dans un petit village. Ah oui. Voilà, et les dernières, je l'avais invité donc, pour le festival. Et c'était son premier concert de musique improvisée en France. Waouh, oh. D'accord. Wow. Simon H. Fell. Donc cette année, ça sera la deuxième fois et j'espère qu'il y en aura davantage. Voilà. Oui. Et je pense que les dates, les lieux des concerts, du festival seront sur le site de Radio G. Sur le site de Radio G, non? Pourquoi? Sur le site de l'émission, il n'y aura pas les dates et les lieux de ces concerts-là, de ce festival. J'ai mis un lien vers, voilà. Vers Pascal Marzon et le festival Air de Choc. Très bien. On peut le trouver sur le blog Festival Air, donc festivalr-de-choc, donc de-choc, et chez .blogspot.com. Ou simplement sur Google Air de Choc et Pascal Marzon en même temps. Voilà. Et voilà, ça le fait. On arrive vers les liens. Et si vous avez vraiment du mal, vous tapez juste Taran Jazz dans Google. Là, vous allez sur les premières pages. Sur la première page, en fait, il n'y a qu'une page. Sur le premier post est à propos de Igenaman. Le deuxième, c'est Pascal Marzon. Et là, il y a des liens. C'est pas difficile à trouver aujourd'hui dans l'âge de Internet, on peut tout trouver. Voilà, on parlait de Holga tout à l'heure, on en parlera une autre fois. L'appareil photo Holga, si vous connaissez pas. Alors, on écoute notre morceau, Pascal, et on peut-être, décide. Oui, il y a des morceaux très courts ici. Ou tu voulais pas qu'on continue avec l'autre Oui, avec John Russell. Que, oui. Donc, c'était, là aussi, c'est inédit, hein, donc profitez-en. Ouais. donc, c'est, je pense, là, les deux dernières plages. Là, j'ai le cinquième morceau, voilà. Voilà. Une minute 15 secondes. Et là, c'est enregistré dans la chambre de John Russell. D'accord. Chez John Russell. Comment ça s'appelle ce morceau? On n'a pas mis de titre, en fait. il faudrait qu'on y pense. D'accord. Alors, John Russell et Pascal Marzan, tous les deux à la guitare. Spanish guitar? Non, John joue sur une vieille guitare corde métallique qui sonne remarquablement bien. Et donc, puis moi, corde nylon. D'accord. C'est où le tour Saint-Aubin? La tour Saint-Aubin, c'est au centre d'Angers, c'est près de la préfecture, entre la préfecture et le musée. Ça sert maintenant de salle d'exposition. Ah, là, oui, c'est vrai. Voilà, c'est près vrai, de l'Institut municipal. Là où il y a des expositions de peinture et photographie. Voilà, exactement. D'accord. Oui. Ah oui, là, on donnait les idées à Pascal pour pouvoir faire des concerts dans la tour Saint-Aubin. Oui, je pense qu'on pourrait y loger une cinquantaine de personnes sans problème. Très bien. C'est un public tout à fait convenable. Tout à fait. Pour la musique improvisée. Oui, enfin, moi j'ai déjà joué devant des salles de 500 personnes ou davantage. 500 personnes? Oui. C'est dans quel genre de salle? Alors, c'était l'église Saint-Luc à Londres pour les Graffiti Compositions de... D'accord, il y avait du monde ? Avec Christian Marclay, oui. Oui, oui, c'était complet. Wow. On avait même du mal, nous, musiciens, on nous a fait une toute petite place pour pouvoir assister à la première partie, parce que l'église était totalement pleine. C'est qui Christian Marclay ? Marclay. C'est un plasticien qui joue beaucoup avec la musique. C'est aussi un joueur de platine, un des premiers turntables. Turntables. C'est un Anglais ? Un Américain. Un Américain. D'origine suisse. D'accord. C'est un artiste très réputé. Wow. D'accord. Il fait beaucoup de choses avec la musique. En fait, son art plastique tourne avec un des rapports très étroits avec la musique, que ce soit avec le cinéma, où on peut improviser en direct, ou par exemple des oreillers faits à partir de bandes de magnétiques, ou des... Ouais. Enfin, on peut citer pas mal de choses, d'accordéons longs de plusieurs dizaines de mètres et tout. D'accord. Ok. Voilà, c'est l'heure de dire au revoir. On a bien parlé, bien écouté la musique. Ouais. C'était pas du free jazz aujourd'hui, mais c'est bien de s'ouvrir aux autres esthétiques. Moi, ouais, ça, c'est une instruction pour moi et j'apprends des choses. Alors, on a écouté Igenomen dans la première partie présentée par Noël Taché. Noël, merci beaucoup. De rien, Taran, c'est un plaisir. Et dans la deuxième partie, on a pu parler avec Pascal Marzan, un musicien important. Aujourd'hui, il joue de la guitare, pas Spanish. Non, il joue de Spanish guitar, mais il n'est pas espagnol, il est français, angevin. Et ce n'est pas du flamenco. Ce n'est pas du flamenco, c'est la musique improvisée à l'anglaise. Un peu, Et voilà. un peu. C'est bien ça comme ça. D'accord. Qui organise le festival Air de Choc à Paris, qui va avoir lieu le 4 et le 5 juillet, dans la salle qui s'appelle À l'espace GEMAPP. Espace GEMAP dans le 10e arrondissement à Paris. Toutes les informations sont sur Internet. Sur Google, il suffit de taper Pascal Marzan, Marzan, festival ou quelque chose comme ça. On trouve toujours des informations. Et sinon, il faut aller sur le site de l'émission où on pourra même écouter cette émission si vous êtes en train de faire la fête aujourd'hui. Vous allez pouvoir l'écouter plus tard en podcast comme en MP3. Voilà. Merci. On dit aux auditeurs au revoir si vous n'êtes pas déjà endormi avec la musique qu'on avait passée aujourd'hui. Et la semaine prochaine, ah oui, la semaine prochaine, on va parler avec Marco Onelli qui va être en Californie. Chez ses parents, on va prendre le temps de parler avec Marco une autre fois. La dernière fois, on l'a interviewé il y a 4 ans. Et on va voir maintenant, il vit en Autriche, comment ça se passe sa vie. Et voilà, bonne nuit pour ce soir et à samedi prochain. Subliminal curves are absurd. Now the word from a sponsor. Go find a sense if you got a nerve. Outside it's raining, but inside something strange is growing. And if my ground's made up, galleries around, I'm currently trying to be worst enemy of time. Yesterday was the end of the world, my friend. At least mine. Thank you. were winding up straight in your sneakers. And I'm dancing like every song he's been suspicious, or like all my dance heroes word if they exist. And yet it's sad that you think that we're all just seamsters. And even if we were, it's not the scene you're thinking of. Just taking props from 90s boy band fashions, all crop tops and testosterone passion. If there's one thing I could never confess, it's that I can't dance a single step. But I don't think right now you care about anything at all. And if only there were clothes on the floor, I feel for certain I was bedroom dancing. And it's all flailing limbs at the front line. Every single one of us is twisted by design. And dispatches from the back of my mind says so long as we're here, everything is alright. If there's one thing I can never confess, is that I can dance a single step. Man in the state of nature, we're undeveloped, we're ignorant, we're stupid, and we're happy.